Come on.

T'as rajouté, d'harmonica que j'ai à la fois. Là, le coup de jeté d'harmonica. Le style, en fait. Fais gaffe, Python, tout ce que tu dis est enregistré. Oh merde. Bah enfin. Enfin, Riton qui aura un souvenir d'une de ses soirées, quoi. Ah oui. Ah, mais ça va, je suis pas cassette. Bon, maintenant, Riton va vous interpréter « Still Loving You ». Petit Papa Noël, quand tu... Oh, regarde, tu vois ça. Quand je sens le... Tu fais péter les plombs au plomb, quoi. Non, mais j'ai envie de pisser, surtout.